que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Bonsoir Argelès-sur-Mer. C'est chaud ce soir. Bon.